Les rubaïates, les quatrains. 1. Hola, réveille-toi ! Le soleil devant lui, chassant les astres blancs des plaines de la nuit, de ses traits lumineux met en fuite les ombres. Et voilà que la tour du calife reluit. 2. Avant que s'éteignît la fausse aube fuyante, je crus ouïr la voix du tavernier, dolente. Quand tout au temple est prêt, pourquoi l'initié branle-t-il au dehors sa tête somnolente? 3. Et puis, au chant du coq, les pratiques criaient, devant la porte close, « Ouvre-nous donc, niais ! Ne sais-tu pas combien est brève l'existence, et qu'une fois parti, on ne revient jamais ?» 4. Voici que l'an nouveau ses vieux souhaits inspire, et que l'âme pensive au désert se retire, où la fleur de Moïse ouvre ses blancs boutons, et l'âme de Jésus par la terre soupire. 5. La rose de l'Iran sans doute a dépéri, de Djemchid est perdu le hanap aux sept plis, mais dans la vigne encore un beau rubis s'enflamme, et maint jardin joyeux auprès de l'eau fleurit. 6. La bouche de David est tout à jamais close. Soit, mais le rossignol chante encore à la rose. Son clair refrain pelvli. Du vin, du vin, du vin, pour la faire rougir, la pâle, la morose. 7. Allons, jette l'habit du repentir qui gèle dans le feu du printemps et buvons avec zèle. L'oiseau léger du temps ne doit pas voler loin, et dans les airs, hélas, cet oiseau bat de l'aile. 8. À Babylone, comme à l'ancien Nechapour, que la coupe déborde, ou de haine, ou d'amour. Goutte à goutte s'en va la liqueur de la vie, feuille après feuille, choix de son arbre, toujours. 9. Chaque matin, dit-on, nous donne 1000 roses. Oui, mais prends celle qui d'hier était éclose. Et ce mois printanier qui nous en offre, hélas, on verra qu'écobade où s'en vont toutes choses. 10. Mais qu'ils le prennent, alors, que nous font donc à nous, et le grand quai Kobad, et le grand quai Khosrou, que Zal et que Rustem hurlent à la bataille, ou Hatim au souper, n'écoutons rien du tout. 11. Viens flâner avec moi sur les trois gazons verts, qui séparent les champs d'avec eux le désert, où les noms de califes et d'esclaves s'oublient, et paix au grand Mahmoud sur son trône d'or clair. 12. Un livre de beaux vers au bord ombreux d'un bois, un pain de bon vieux vin dans une cruche, et toi, chantant auprès de moi dans le désert inculte, ah, ce désert serait le paradis pour moi. 13. D'aucuns ont des soupirs pour le succès mondain, d'autres souhaitent voir le ciel promis aux saints. Ah, prends l'argent comptant, laisse aller la créance, et fais fi du tambour qui bat dans le lointain. 14. Mais vois donc cette rose ouverte à la lumière. En riant, elle dit, je suis bien dépensière. Dès qu'elle est pleine d'or, ma bourse, au gland soyeux, je la déchire, et puis son or s'épand par terre. 15. Ceux qui soigneusement leur trésor ont gardé, pareils à ceux qui l'ont comme de l'eau jetée, ne deviennent jamais poussière précieuse. Qu'une fois enterré, on veuille déterrer. 16. L'espérance mondaine où l'on fixe son cœur se fait cendre ou prospère, et puis un bref bonheur, comme la neige sur les plaines de poussière, dure un petit instant, ou deux peut-être, et meurt. 17. Mais songe donc comment, dans ce gîte effondré, dont lui est fait de jour et de nuit alternés, calife après calife ont vécu quelques heures, dans leur faste pompeux, et puis s'en sont allés. 18. On dit que la lionne et le lézard sont là où Djemchid autrefois but ferme et festoya, et Behram, grand chasseur devant Allah, l'onagre, piétine sur sa tête et ne l'éveille pas. 19. Jamais rose n'éclot, m'a-t-il parfois semblé, si rouge qu'où le sang d'un César fut versé. Chaque belle hyacinthe, au milieu du parterre, de quelque tête exquise, a dû jadis tomber. 20. Et ce gazon nouveau, qui met son vert si doux aux lèvres de ce fleuve, est fait un lit pour nous. Ah, pose-toi dessus craintivement, personne ne sait la lèvre qui, jadis belle, est dessous. 21. Remplis la coupe, ami, celle où le présent perd et ses regrets cuisants et ses soucis amers. Demain, voyons, demain j'habiterai peut-être, moi-même hélas, où sont les 7000 ans d'hier. 22. Car plusieurs d'entre nous, les beaux, les plus aimés, les meilleurs qu'ait le temps de son pressoir donné, d'un peu nous devançant, ont bu leur dernier verre, puis chacun au repos s'en est muet allé. 23. Et nous qui festinons à l'endroit de jadis et portons les couleurs de l'été refleuri, tous un jour nous devons sous terre disparaître pour faire à notre tour une couche. Pour qui? 24. Ah, profitons des biens que nous tenons en main avant que de descendre au froid tombeau demain, d'être de la poussière et sous de la poussière, sans vin, sans chansonnier, sans chanson et sans fin. 25. À celui qu'aujourd'hui, dans ses entraves, lit, aussi bien qu'à celui qui sur demain se fit, hurle le muezzin de la tour de la mort, là-bas et comme ici, niais, vaine est la vie. 26. Tel sage qui jadis a doctement prêché, de ce monde et de l'autre, on le voit rejeté, tout comme un charlatan. Les vents ont ses paroles, et jusqu'aux dents, hélas, la terre l'a bouché. 27. Dans mon jeune âge ardent, moi-même, je hantais les docteurs et les saints, et souvent écoutais les comment, les pourquoi, mais par la même porte, je ressortais toujours où, plein d'espoir, j'entrais. 28. Je semais avec eux au savoir et mérite, les cultivant moi-même en enlaçable ermite. Mais voici tout le fruit que j'en ai recueilli. Comme eux, je vins au monde, et comme air, je le quitte. 29. Je vins dans l'univers, mais pourquoi, l'on ne sait, ni d'où, comme de l'eau coulant, bon gré, mal gré. Et puis, je m'en irai, comme un vent, sur la plaine. Mais où, l'on ne sait pas, hélas, bon gré, mal gré. 30. Quoi, sans me consulter, ici-bas, on m'envoie, et sans me consulter, là-bas, on me renvoie. Ah, que dans ma nappe de ce vin défendu, le mauvais souvenir de cet affront se noie. 31. Du milieu de la terre, au haut du ciel serein, je volais, dénouant maint nœud dans mon chemin, avant que de siéger au trône de Saturne, mais pas le maître nœud, celui du sort humain. 32. Voilà la porte dont il n'était point de clé, et là le voile que l'œil ne put pénétrer. De personnalité, l'on causa toute une heure, puis de moi, ni de toi, l'on ne dut plus causer. 33. La terre fut muette, et la mer qui pleurait, en sa pourpre ondoyante, un dieu qu'elle cherchait. Muet le ciel qui tourne, et toutes les étoiles, que le jour ou la nuit voilait ou dévoilait. 34. Puis je levai les bras dans l'ombre de la nuit, demandant la lumière instamment à celui qui travaille en secret. Mais toute la réponse fut cette voix lointaine. Il est aveugle, lui. 35. Vers cette pauvre cruche, alors, je me penchais, voulant comprendre à fond ma vie et son secret. Lèvre à lèvre, elle dit, tu devrais toujours boire, car une fois parti, on ne revient jamais. 36. Je crois que l'urne qui, de cette voix fuyante, me répondit, a dû jadis être vivante. Quel abus, qu'à la lèvre où à la mienne se mit, main baisée fut reçue, main prise par cette amante. 37. Car je me souviens bien qu'un jour je m'arrêtai pour voir un potier qui durement pétrissait sa pâte. Celle-ci dit de sa voix éteinte, « Mon frère, doucement, doucement, s'il te plaît. » 38. N'est-il point une histoire antique que le temps nous apporte à travers tous les siècles roulants, l'histoire du limon mouillé d'une eau divine, dont Dieu le Créateur fit l'homme en le moulant? 39. Oui, ces gouttes de vin qu'on jette de son verre pour abreuver le sol pénètrent dans la terre, en éteignant le feu de l'angoisse en un œil qui fut enfoui là dans un temps légendaire. 40. Comme donc la tulipe, attendant une ondée, devint céleste, lève une bouche altérée. Agis de même, ami, jusqu'à ce que le ciel te renverse semblable à la coupe vidée. 41. Ne cherchant plus ce qu'est ni Dieu ni l'homme en vain, donne à chasser au vent la brouille de demain, et laisse errer tes doigts parmi la chevelure d'un gracile et chanson pareil au cyprès fin. 42. Si cette lèvre aimée et ce vin que tu bois, finis où tout commence et finit, eh bien soit, crois avoir aujourd'hui tout autant qu'hier, pense que demain n'aura pas moins qu'aujourd'hui pour toi. 43. Ainsi, quand l'ange sombre avec le noir breuvage un jour te trouvera près de ce beau rivage, et conviant ton âme offrira son hanap, s'envolant de ta lèvre, elle aura du courage. 44. Comment, si l'âme peut secouer la poussière, et sur le vent du ciel chevaucher nu et fier, ne serait-ce donc pas honteux quand ce limon, elle resta percluse, elle, cette âme altière? 45. Ce corps n'est qu'une tente où prend un court repos un sultan qui voyage au-delà du tombeau. Le sultan se levant, le ferrache des ténèbres, la plie en la prêtant pour un hôte nouveau. 46. Et ne crains pas que Dieu, quand viendra notre tour, ne fasse plus jamais nos pareils, mon amour. L'éternel et chanson verse de son cratère des bulles comme nous par milliers et toujours. 47. Quand nous serons passés, amis, dans l'au-delà, ah, que de temps encore le monde durera, qui voit notre départ comme notre arrivée, ainsi que la mer voit un caillou jeté là. 48. La halte d'un instant, un pauvre petit goût d'existence accordé dans l'oasis, c'est tout. Puis arrive au néant ce convoi de fantômes qui du néant partit. Allons, dépêchons-nous. 49. Et que veux-tu donc, ami, gaspiller en cherchant cet être fugitif, ce petit grain luisant? Alors dépêche-toi, car un cheveu sépare le vrai d'avec le faux. D'un autre tu dépends. 50. Un cheveu seulement les sépare, et peut-être qu'un seul petit alif donne la clé de l'être, et pourrait, en ouvrant le grand trésor du ciel, nous montrer le chemin qui mène à Dieu le Maître. 51. Sa puissance secrète en toute chose court, comme le vif argent faisant mille détours, de maï jusqu'à ma, revêtant toute forme, qui change et s'en vont, mais lui reste toujours. 52. On l'entrevoit, et puis de suite il est caché dans les ténèbres où l'obscur drame est plongé, dont il est spectateur, acteur et dramaturge, et qui fait le plaisir de son éternité. 53. Si tes regards en vain fouillent un sol bourru et contemplent un ciel qui s'est constamment tu, tant que tu restais toi, mon ami, que sera-ce, un jour quand tu seras à jamais disparu. 54. Ah, ne perds pas ton heure et ne t'éreinte pas en disputant de ce qu'est ceci, qu'est cela. Mieux vaut être joyeux avec la douce vigne que maudire un fruit âpre ou qui n'était point là. 55. Mes amis savent tous avec quel beau tapage j'ai fait dans mon logis un nouveau mariage. Quand j'eus chassé dehors la stérile raison, la fille du raisin vint soigner mon ménage. 56. Car, quoique séparant le rien d'avec le tout, et l'être du non-être en allant jusqu'au bout, eh bien, des choses que l'on propose à l'étude, je n'approfondis pas, hormis le vin, beaucoup. 57. Mais, dit-on, mon calcul a réformé l'année par un compte meilleur. Allons, billevesez, je n'ai fait que biffer dans le calendrier la date déjà morte et celle encore non née. 58. Auprès de lui mi-clos de la taverne vint un jour au crépuscule un bel ange divin, portant un grand flacon familier sur l'épaule, et me dit d'en boire. Ah, c'était le vin. 59. Le jus superbe, dont l'argument haut et fort joint les 72, toujours en désaccord. L'alchimiste vainqueur qui, d'une main rapide, prend le plomb de la vie et le transmue en or. 60. Le vin, ce grand mammouth, souffle du Tout-Puissant, qui chasse devant lui d'un glaive étourdissant les hordes de la peur destructrice de l'âme et la noire tribu des soucis mécréants. 61. Si la vigne est de Dieu, mais qui donc osera damner le pampre tort en disant « c'est un lac ». Si c'est un bien, l'on doit s'en servir, ce me semble. Et si c'est un fléau, mais qui donc le mit là ? 62. Au baume de la vie, on doit donc renoncer, craignant, peut-être à tort, d'être un jour semoncé, ou nourrissant l'espoir d'une boisson divine qui comble notre verre, à nous en cendre aller. 63. Oh, menaçant enfer, oh, cieux qui font appel, une chose est certaine, et c'est qu'on est mortel. Cette chose est certaine, et le reste est mensonge. La fleur qui tombe dort d'un sommeil éternel. 64. Étrange, n'est-ce pas, de tous les milliers qui ont déjà dépassé l'huile noire de l'infini, personne n'est venu pour nous dire la route, que, pour la bien connaître, il nous faut suivre aussi. 65. Les révélations de ces pieux savants, qui furent autrefois des prophètes ardents, sont vaines fables que, réveillés de leurs songes, ils nous racontaient, puis se rendormaient, rêvant. 66. Je projetais mon âme à travers l'infini, tâchant de pénétrer l'avenir indécis. Et mon âme bientôt revint à moi me dire « Moi, je suis à la fois enfer et paradis. » 67. Le ciel n'est qu'un rayon d'un beau rêve d'amour, et l'enfer le reflet du rouge feu qui sourd dans l'âme, projeté sur la nuit en laquelle nous-mêmes, ses enfants, expirerons un jour. 68. Nous ne sommes qu'un tas de fantoches mouvants, que des ombres toujours passant et repassant sur la lanterne que le soleil illumine, et que tient dans la nuit le maître de séant. 69. Que d'inertes jetons au jeu d'échecs que lui, guide sur l'échiquier, fait de jours et de nuits. Il nous pousse partout, nous fait échec, nous mate, et puis nous remet tous au fond du noir réduit. 70. La balle des joueurs ne sait dire oui ni non, mais obéit toujours au coup mauvais ou bon. Et celui qui jadis te jeta dans l'arène, ah, celui-là sait tout et connaît tout à fond. 71. Le doigt céleste écrit, puis passe un peu plus loin. Toute ta piété, ton esprit et tes soins ne le feront jamais revenir d'une ligne, et tous tes pleurs amers n'effaceront un point. 72. Et ce bol renversé, ce ciel, ce firmament, sous qui l'on vit, l'on meurt, enfermés et rampants, ne lève point les bras, en vain, vers lui, lui-même. Pareil à nous, hélas, se meut, impuissamment. 73. Du limon primitif, on fit le dernier né. Le grain de la moisson suprême y fut semé. Et le jour créateur vit écrire une phrase qu'au dernier jugement on entendra citer. 74. Hier, pour aujourd'hui, créa le fol effroi. Pour demain le triomphe ou bien le désarroi. Sois ivre, tu ne sais comment tu vins sur terre. Sois ivre, tu ne sais où tu vas, ni pourquoi. 75. Moi, je dirais ceci, quand, au début du drame, sur le poulain céleste, à l'épaule de flamme, Dieu jeta les parvouines et mouchtari, déjà, dans mon enclos fatal, fait de poussière et d'âme. 76. Une fibre de vigne avait un bouton fin. Si le derviche nargue, et soit, j'aime le vin. Et de mon bas métal, une clé se fabrique, qui peut ouvrir la porte où ce gueux hurle en vain. 77. Et ceci je le sais, que Dieu, seule lumière, de moi se fasse aimer ou me brûle en colère. Un fin rayon de lui, dans la taverne vu, vaut mieux que rien du tout dans la mosquée altière. 78. Quoi ? D'un inerte rien aurait-il évoqué quelque chose d'ardent qui veut se soulever contre l'écrasant joug des défenses divines pour le damner après si ce joug est brisé? 79. Demander de l'or pur au pauvre malheureux comme paiement d'un prêt qui fut d'aloi douteux, lui faire un sot procès pour une dette absurde qu'il ne veut point solder, oh, le métier piteux! 80. Ô toi qui parsemas de tes pièges rusés le chemin de la vie où je devais marcher, veux-tu me prendre au lac du mal inévitable, puis imputer ma chute au damnable péché? 81. Ô toi qui nous pétris du limon de la terre et mis au paradis le serpent séculaire de tous les péchés dont notre front est noirci, pardon pour l'homme, et lui te pardonnera, Père. 82. Je me rappelle un jour où l'âpre Ramazan s'esquivait, affamé, dans l'ombre du couchant. Au logis du potier, je me trouvais encore tout seul parmi les pots qui s'y tenaient par rang. 83. Il en était beaucoup, grands ou de courte taille, sur le parquet rangé le long de la muraille, dont quelques-uns vraiment étaient des pots bavards. Et les autres muets, écoutant ceux qui raillent. 84. Un d'entre eux dit, « Voyons, ce n'est pas pour rien faire qu'on a pris ma substance au limon de la terre. On ne me moula pas pour me casser après, ou bien pour me réduire en argile ordinaire. » 85. Alors un autre dit, « Jamais, gars, par bravade, ne briserait le verre ayant bu sa rasade. Et celui dont les mains ont moulé le cruchon, ne le détruira pas dans son courroux maussade. » 86. Après un court silence, un vase mal formé et de lourde façon s'avisa de parler. « L'on me raille, dit-il, en disant que je penche. La main du potier, donc, aurait-elle tremblé ? » 87. Alors, un des bavards, je crois, un bro soufi, s'échauffant au combat, « Qu'est-ce que tout ceci ? Pot, potier, disait-il, mais qui de vous peut dire « Lequel est pot, lequel est potier, mes amis ?» 88. « On parle de quelqu'un, disait un dédaigneux, qui jette dans l'enfer les cruchons peu chanceux, qu'il a gâchés lui-même en les moulant. Bêtise ! Dieu, c'est un bon garçon, tout ira bien pour eux. » 89. Un autre murmura, « Peu me chaud qui me fit, ou m'achètera, moi, je suis rongé d'oubli. Mais si j'étais rempli de la liqueur aimée, je crois que je serai bientôt ragaillardi. » 90. Tandis que tous ces pots se parlaient de la sorte, le croissant de la lune épia par la porte. Alors chacun donna du coude, chuchotant « J'entends déjà grincer la corde qui nous porte. » 91. Qu'on m'abreuve de vin quand la mort sera là, qu'on en lave mon corps après le noir trépas, et puis qu'on le dépose, enveloppé de pampres, au bord d'un joli clos où tout le monde va. 92. Afin que même alors ma cendre ensevelie puisse jeter dans l'air un tel parfum de lit que pas un vrai croyant qui passe par hasard ne manque d'être pris d'une soudaine envie. 93. Oui, les idoles que j'ai si longtemps aimées ont fait réellement tort à ma renommée, noyant ma pauvre gloire en un broc peu profond et vendant mon honneur pour une mélopée. 94. Hélas, trois fois hélas, que de fois j'ai juré de me repentir, mais étais-je dégrisé au moment de jurer. Puis vint le temps des roses, qui, de mon repentir, broya l'habit usé. 95. Et quoique le flacon m'ait trahi fort souvent, en volant mon manteau d'honneur, eh bien, tout franc, je voudrais bien savoir ce que l'homme aux bouteilles peut acheter qui vaille à moitié ce qu'il vend. 96. Mais, las, que le printemps périsse avec la rose, que les cris embaumés des jeunes ans se closent, le rossignol d'hier qui chantait au jardin, d'où vint-il, où va-t-il, et qui sait telle chose. 97. Ah, que le désert pût donner une lueur, une seule mais vraie, aux pauvres voyageurs, lueur d'une fontaine à qui lever la tête, comme en un pré foulé fait l'herbe qui se meurt. 98. Avant qu'il fût trop tard, qu'un ange radieux put arrêter la main du destin ténébreux et fit enregistrer par l'archiviste austère autre chose ou biffer son écrit désastreux. 99. Si nous pouvions, m'amour, avec lui conspirer et saisir en nos mains ce monde mal formé, ne voudrions-nous pas le briser, puis ensuite, plus selon nos désirs, de nouveau le créer. 100. Ah, que de fois encore, cette lune là-bas, qui semble nous chercher, croîtra, puis décroîtra. Que de fois, se levant sur cette verte enceinte, elle nous cherchera, mais sans me trouver là. 101. Qu'alors, notre échanson, glissant comme elle, guide ses beaux pieds vers les gens que sa coupe déride, et dont s'étoile l'herbe allant jusqu'à l'endroit où je fus, et puis là retourne un verre vide. Tamam. Fin de Les Roubaillates de Omar Khayyam, enregistré par Christiane Jehan.